Les visiteurs étrangers au musée du mouvement de la jeunesse admirent le monde spirituel et les traditions de lutte des jeunes coréens. Bsebolod Bilebski, membre de la délégation de l'Association russe pour l'étude des aides du Jutsu, a dit comme ce qui suit. Le trajet glorieux du développement du mouvement de la jeunesse coréenne est lié à l'histoire révolutionnaire sacrée des grands leaders. Leur œuvre sublime continue à merveille grâce au respecté camarade Kim Jong-un. Le chef de la délégation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh du Vietnam a dit comme ce qui suit. Les jeunes avant-gardistes de la Corée sont la force puissante qui pousse la révolution et le développement du pays. Le vice-président de l'Association de la jeunesse d'Addis Abeba de l'Éthiopie a affirmé que la Corée est l'unique puissance de la jeunesse du monde qui progresse avec la force juvénile. Le chef de la délégation de l'Association népalaise pour le soutien à la politique de Sengun a déclaré « Les jeunes progressistes du monde doivent s'inspirer du monde spirituel sublime et du style de lutte des jeunes coréens. Infiniment radieux est l'avenir de la Corée qui a la grande troupe puissante des jeunes très fidèles à la pensée et à l'œuvre de leurs dirigeants. »